Je vais encore laisser un petit peu en fond parce que c'est assez difficile de couper cette pièce. Mais voilà, maintenant on accueille Anne Gillot, notre voisine de studio. Bonjour Anne, comment tu vas? Bah, ça va bien. Ça va? Ouais, je sors de l'émission, donc un peu dans le même état que vous peut-être. Ouais, je sais pas parce qu'on n'est pas sorti encore. Non, c'est vrai. On se redira ça après le partage d'écoute, quoi. Exactement. Mais oui, mais j'avais bien envie de t'inviter parce qu'on se croise quand même à plusieurs occasions. Et puis tu as comme ça aussi, tu fais aussi partie de ces personnes qui ont différentes facettes, un peu comme d'autres gens qu'on croise quand même ici. Tu es musicienne, compositrice, interprète, je sais pas comment tu veux te définir toi. Moi, c'est un peu comme ça que je comprends. Ou est-ce qu'il y a d'autres Je joue des pièces du répertoire écrites, de la musique contemporaine, j'adore l'improvisation libre, je crée des pièces, je ne sais pas si je suis totalement compositrice, mais finalement peut-être que oui, aussi dans des ensembles, j'aime beaucoup l'idée de composition collective aussi, du groupe qui joue sans chef, c'est un peu finalement si je regarde derrière moi, c'est peut-être un petit peu la caractéristique. Et puis, j'ai aussi aimé jouer des musiques anciennes, des musiques écrites bien avant. J'ai des instruments qui s'y prêtent, quoi. La flûte à bec et la musique ancienne, c'est quand même tout un monde. C'est assez lié, finalement, la musique contemporaine, la musique ancienne, les sonorités, la recherche. Et ce que je trouve chouette, c'est qu'au Festival Archipel, on peut trouver vraiment toutes ces influences. Et on n'en a pas parlé pendant longtemps, même si les baroqueux jouaient souvent de la musique contemporaine. Donc ouais, je navigue un peu là-dedans avec des instruments quand même assez improbables. Quand j'étais au conservatoire, en gros, on me disait que j'aurais jamais aucune débouchée que celle de l'enseignement. La seule chose que je ne fais pas, parce que flûte à bec et clarinette basse, c'était pas dans les... Ouais, dans ligne de mire, et puis finalement, je dirais que tout est possible, quoi, à partir du moment où on développe son propre chemin, quoi. On le voit bien. Et du coup, ça serait lié au fait que tu t'es intéressée comme ça au monde de l'improvisation, peut-être, ou parce que je me demandais justement en partie d'une de ces petites questions j'ai notées là. Ouais, là, je dois un peu. Oui, alors oui, c'est vrai. Je dois un peu rendre hommage à plusieurs. Plusieurs personnes là, mais j'avais une prof de flûte à bec complètement baroque, Colette Maréchaux, elle s'appelait. Et je la salue, je sais pas si elle nous entend. qui sait. Et elle avait un univers totalement baroque dans son studio. Il y avait des cartes postales de ses dorures, de ses angelots. Puis moi, j'avais 7 ans, quoi. Donc je voyais ça, j'entrais comme dans une autre époque. Et c'était la musique avant tout. Et elle m'a vraiment laissé tellement de liberté, même si elle était un peu peut-être enfermée, mais elle n'était pas du tout enfermée dans une époque. Elle mettait des robes, des grandes robes, elle avait des grands chignons comme la Pompadour, elle se maquillait beaucoup. Pour moi, j'ai l'impression d'avoir un personnage d'un autre temps. Et pourtant, elle me faisait jouer aussi de la musique contemporaine, elle me laissait vraiment faire, et elle m'a donné vraiment le goût de la musique. Et puis, ça m'a permis d'avoir cette liberté de se dire, de jouer avec d'autres, de créer des choses, et de fil en aiguille. C'est peut-être ça qui a fait que j'ai été, grâce à la musique contemporaine, contactée par des gens de l'improvisation. Je pense à Popol Lavanchy, qui est une figure lausannoise. À Lausanne, on avait ce quartet mythique, le BBFC, et qui était vraiment hyper important et qui faisait du free jazz et qui a développé l'improvisation libre. Et de temps en temps, certaines de ses personnalités demandaient à quelqu'un « Viens jouer avec nous, paf !» Oh ! Et moi, je me disais « Aïe, aïe, aïe, improvisation libre, ça m'obligeait à poser la partition. » Et vous savez, c'est ce genre de personnes qui, quelle que soit la note qu'on joue, ils vont mettre autour les choses qui font que ça va sonner bien. Donc, je ressortais de ces concerts en ayant l'impression d'être la meilleure du monde. En tout cas, c'était l'inverse du regard désapprobateur qu'on peut rencontrer parfois. Et donc, j'ai peut-être eu cette chance-là d'avoir ce microcosme. Il y avait aussi quelque chose au conservatoire. Je ne veux pas être trop nostalgique, mais les professeurs nous incitaient à jouer beaucoup pour plein d'occasions. on cherche un trio pour aller jouer là, on cherche un quatuor pour aller jouer là. Puis on allait, on prenait nos partitions, nos pupitres, et paf, on allait jouer à gauche, à droite. Alors des fois, c'était de la musique classique, de la musique baroque, de la musique... Voilà, mais on jouait, quoi. On jouait tout le temps. C'est vraiment le souvenir que j'ai. Et ça m'a, je pense, donné des outils et le goût de faire plein de choses différentes, quoi. Tu as respiré, Antoine. Oui, j'ai respiré. Parce que je suis tellement impressionné devant Angelo. Oh, Antoine Lang. Non, parce que il y a une sorte d'inversion de phase. C'est les interrogés qui deviennent interrogeurs. Mais oui, c'est bien. C'est et bien. Puis justement, je me posais cette question. Comment est-ce qu'on passe de la musique à la radio, en fait? Comment est-ce que ça s'est passé pour toi? Et puis aussi, j'ai bien aimé ce que tu disais par rapport au fait de créer un contexte, un environnement d'expérience pour faire en sorte que tout sonne bien. Est-ce que c'est quelque chose qu'on doit aussi faire en radio pour faire en sorte que les personnes qu'on accueille et qu'on interroge sonnent bien, passent bien à l'antenne? En fait, je crois que tu as résumé un peu mon credo. Alors, pour répondre à la première partie de ta question sur comment on passe de la musique à la radio, j'ai réécouté une émission de télé dans laquelle j'étais passée il y a super longtemps. Je devais avoir, 25 ans. Mais je suis tellement à fond, mais c'est vraiment insupportable quand je me vois. J'étais très militante en réalité par exemple, à la musique baroque. Je parlais du Giardino Armonico, que personne connaissait, peut-être que personne connaît encore maintenant. Puis j'étais là, mais voilà, vous comprenez, c'est comme le Giardino Armonico, comme si tout le monde le connaissait. J'étais là, j'avais envie... On en parlait tout à l'heure, non, du Giardino Armonico. Entre la poire et le fromage. Petite chronique de 45 minutes entre 5 et 6. Non, mais c'était des baroqueux qui jouaient comme des rockers, quoi. Et j'adore, et je trouvais que c'était fantastique, et je pensais que tout le monde connaissait ça. J'avais envie qu'on parle des choses qui me semblaient importantes. Et la radio, voilà, quand j'allais à la radio, je pense que j'étais une sorte de... Pour faire la promotion des choses que je faisais, des ensembles, avec mes premiers ensembles dans lesquels je jouais, j'étais vraiment hyper à fond. Et si je prends ça, Camille, la puce à l'oreille, à un producteur qui m'a proposé de faire quelques essais parce qu'il cherchait des voix féminines pour Espace 2. Et donc, je suis rentrée comme ça, et il m'a mis un peu comme tout de suite en direct, tout de suite d'abord j'ai fait des chroniques, je suis restée pigiste, chroniqueuse pendant très longtemps. D'ailleurs, j'adore ce mot de chroniqueuse parce que ça laisse, et j'adore cette forme de la chronique parce que c'est comme des miniatures, on peut faire plein de trucs différents. Puis après, quand je suis passée de l'autre côté, du côté de la production, de mener des émissions entières, ce que je me suis dit, mais déjà quand j'allais chercher, c'est que je me suis aperçue que beaucoup de gens avaient très peur du micro. Et comme je pense que tout le monde se rend compte déjà là au bout de 5 minutes, moi j'adore parler, quoi. La discussion, je trouve ça génial, quoi. Et c'est quelque chose dans mon environnement familial qui était tout le temps là, des conversations jusqu'à la fin de la nuit, même des engueulades, mais des engueulades où je trouve que c'est, y a rien de mieux dans la vie, quoi. Il y a d'autres trucs mieux, mais c'est super bien, quoi. Et ce dont j'avais envie, c'est de créer cet espace. C'est un espace-temps tellement particulier. En fait, quand on allume le micro, que ce soit en studio, mais même comme ça, sur deux chaises, il y a une suspension. Et on va être attentif à l'autre personne comme on l'est rarement dans la vie quand même. Tout ce que va nous dire la personne va nous intéresser. Il y a une sorte de curiosité qui s'allume et qui fait que les deux personnes qui discutent, le journaliste et l'interviewé, on a l'impression de vivre un moment très spécial. Et je trouve que ce moment-là, il doit être beau, quoi. Il doit être sympa, il doit être... Même si, des fois, peut-être on n'est pas d'accord. Et pour parler de musique, c'est quand même génial. Parce que là, ça permet de parler de l'intime, du personnel, de ce qu'il y a derrière la musique, de ce que ça nous procure. On écoute ensemble. Enfin, voilà, ça dilate le temps. Même si on est toujours l'œil sur l'horloge, c'est une contrainte, mais en même temps, c'est magique, quoi. C'est vraiment relativité du temps, un peu. Est-ce que la musique contemporaine à la radio, ça a été une impulsion ou est-ce que ça a été une invitation, en fait, à proposer quelque chose? Alors, il y avait une émission qui existait depuis très longtemps déjà, portée par un personnage de la radio, Jean-Nicole, qui a vraiment historiquement voilà, fait plein de choses et s'est beaucoup battu, hein, parce que la musique contemporaine à la radio, c'est toujours un gros sujet. La musique contemporaine tout court d'ailleurs, mais à la radio en particulier, parce que on dit ah mais c'est très visuel, on peut pas vraiment enregistrer, les gens vont quitter, il faut que ce soit une musique diffusée la nuit, voilà, donc il y a plein d'a priori et c'est vrai qu'il y a des musiques qu'on écoute à certains moments et d'autres non, mais je pense pas qu'elles soient liées à l'époque ou à la musique contemporaine. À la musique contemporaine, il y a des choses qu'on pourrait très bien écouter le matin et d'autres choses absolument pas, c'est vrai, peut-être, ou absolument pas, tout est relatif en fait, tout dépend de comment on envisage les choses. Et donc là, moi, j'étais, comme je l'ai dit, très, très engagée aussi dans la... Comment dire, faire découvrir déjà mon instrument, la flûte à bec. J'avais déjà pas mal de boulot. Et puis, faire découvrir cette musique contemporaine que j'adore, que j'ai apprise à connaître aussi grâce à la musique ancienne, enfin par plein de détours. Et là, donc j'avais vraiment envie. Donc moi, je pense que j'ai poussé beaucoup. Et puis tout d'un coup, il y a eu l'invitation parce que ce monsieur est parti à la retraite. Et donc j'ai pris la balle au bon et ça a marché. Pourtant, j'étais pas la plus qualifiée peut-être à l'époque, mais voilà, un peu de jeunesse, de fraîcheur, ça leur a plu. Beau. Ben, le temps passe vraiment très vite, il est déjà donc 12h16 et puis on va bientôt enchaîner avec la méditation intranquille de Revival. Waouh. Et juste avant, est-ce que en une petite minute, oui. Moi, parce que j'ai réécouté, donc parce que tu as interviewé déjà Marie et Denis dimanche dernier. Oui, oui, oui. Et j'ai fait l'erreur d'écouter ça hier en me disant mais non, mon Dieu, c'est tellement professionnel et c'est beau et c'est trop super. Oh. Et en fait, c'est vraiment, il y a cette voix particulière que tu as quand tu es aussi face à un micro. Oui. Et je me demandais, est-ce que c'est quelque chose que tu avais conscientisé, que tu avais travaillé ? Est-ce que c'est comme devenu un outil que tu as aussi bricolé, toi, pour ce moment-là ? Est-ce que... Oui. Alors, il y a quelque chose d'inconscient. On change tous de voix. Hein, quand on... ouais, et je fais très court, mais je ne sais pas. Il y a deux choses qui me viennent à l'esprit. Peut-être les choses que je préfère dans les interviews, enfin, pas que je préfère, mais que j'aime beaucoup, c'est le duplex. Parce qu'on est deux personnes au casque et on s'écoute dans le creux de l'oreille. Et je pense qu'avec le duplex, le micro, il y a des graves, il y a des respirations et des choses comme ça. Et sans s'écouter parler, ça c'est un peu le danger. Donc il faut accepter ses défauts, mais tout ça c'est des indications non verbales, entre guillemets, qui font qu'on communique. C'est un outil de communication, donc je pense que je l'ai forgé avec ça. Et je pense que c'est aussi mes longues heures de téléphone en tant adolescente, pendue au téléphone avec mes amis et mes, voilà, qui m'ont forgé un outil et une palette de voix. Trop bien. Bah, merci beaucoup. Merci Angelou. Merci beaucoup. Merci d'être venue. Merci Radiosine. Je suis trop contente d'être venue. Juste une petite parenthèse pour dire que tu as une homonyme céramiste à Paris et une autre qui est ceinture noire de karaté à Herbignac en Loire-Atlantique. Waouh. Voilà ce que tu aurais pu aussi être. Devenir. Ça me laisse songeuse. C'est vrai qu'on a oublié de dire à Marie et Denis tout à l'heure, mais ça, c'est quand même quelque chose. Oui. Ouais, parce qu'on aurait beaucoup aimé pouvoir inviter tous les homonymes ensemble à discuter de vos différentes vies. Oh, mais oui. Ce serait pour, faut le faire, pour une faut autre le faire. Édition. Plaisir. Voilà. Merci, merci Anne. Beaucoup. Merci beaucoup.